Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Jeune frère musulman, suis avec nous le mouvement, ne deviens pas un brigand, ou tu finiras perdant. Même si tu t'appelles Christian, tu peux devenir musulman, si tu crois au Tout-Puissant, tu deviendras un gagnant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Méfie-toi de ce Satan, il est pire qu'un serpent, il guide tous les perdants vers un lieu très effrayant. Si tu meurs mécréant, tu goûteras au châtiment, je ne te parle pas du jugement, que tu vivras en pleurant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Et si tu crois que je mens, vérifie dans le Coran, il a bien plus de 1000 ans, et il émerveille les gens. Si tu meurs musulman, tu vivras éternellement, comme le dit le Coran, dans un monde éblouissant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Jeune frère musulman, suis avec nous le mouvement, joignons nos cœurs en chantant. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.